Alfred Wilmers à Théodore Dilling à Naples. Mon cher ami, les malles sont faites, je pars, mais pas seul. Adresse tes lettres à Dieppe. En deux mots, voici ce qui m'arrive. Je me réserve de te raconter de là-bas tout ce qui m'est arrivé depuis 5 jours. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. L'aventure avec la petite brodeuse est finie. Elle a pris fin, précisément le soir où j'ai jeté le masque. Nous avons beaucoup ri, car elle avait de son côté joué la même comédie. Hélas, mon pauvre Théodore, elle n'est pas plus brodeuse que moi poète. Elle porte des toilettes de 500 à 1000 florins et des chapeaux de 80 florins. Elle a des perles et des brillants. Son passé est très accidenté. Je pars avec elle pour Dieppe et je paye ses notes. Je l'entretiens et après-demain, elle me trompera. Ne me traite pas d'optimiste parce que je ne parle que d'après-demain. En chemin de fer, il n'y a pas d'occasion. La petite comédie est terminée, comme tu le vois. Mais du drame qui pourrait y faire suite, je saurais m'échapper à temps. À la fin du premier acte, la scène est à Dieppe, je disparaîtrai en souriant dans la coulisse. Ton Alfred. Ainsi s'achève la petite comédie Mœurs viennoises par Arthur Schnitzler.